قرأت في أحد التفاسير قول ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان ونكصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منهم يردد على المآذن لا إله إلا الله، فما تعليق فضيلتكم على ذلك؟ هذا يخرج من هذه المشكات، وهي مشكات التكفير ومذهب الخوارج. هل يزعم ان كل المسلمين مرتدون وان كانوا يصلون ويؤذنون؟ هذا مذهب الخوارج، بل هو من غلاة الخوارج، نسأل الله العافية. نعم. Ceci est la traduction d'une fatwa de Cheikh Fawzan Hafidhahullah où il dénonce le fanatisme de Sayyid Qutb. La question: j'ai lu dans un livre d'exégèse cette parole: l'humanité avait contracté l'apostasie en adorant les hommes et en commettant l'abus des religions. Elle s'est rétractée vis-à-vis de la ilaha illallah, même si un groupe parmi elles continuait à répéter sur les minarets la ilaha illallah. Fin de la citation. Quel est donc le commentaire de votre éminence sur ceci? La réponse de Cheikh Saleh Fawzan Hafidhahullah: ceci ressort de cette niche qui est la niche du takfir. Note du traducteur: le takfir est le fait de déclarer une personne ou plusieurs comme étant kafir, kuffar, mécréant. Il en est de correct qui est basé sur une argumentation valable, conforme au livre d'Allah Ta'ala et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il en est qui ne se fonde pas sur la preuve scientifique, mais est plutôt le fruit amer de la passion et de l'ignorance, comme c'est le cas de ce propos de Sayyid Qutb, qui déclare tout le monde mécréant, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait assuré que le bien réside dans cette umma jusqu'à l'approche de la résurrection, quand apparaîtront les signes majeurs et que cela atteindra seulement les gens les pires. Et dans un autre hadith, il promit sallallahu alayhi wa sallam qu'une secte demeurera triomphante même sur le vrai. Fin de cette note. Cheikh Fawzan Hafidhahullah répondait donc: ceci émane de cette niche de takfir et du dogme des khawarij. Celui qui prétend que tous les musulmans seraient apostats même s'ils font la prière et qu'ils appellent à la salat, ceci est la voie des khawarij. Au plus, il est des khawarij les plus durs. Nous implorons Allah qu'il nous protège. Extrait de la conférence « L'excès dans le takfir »« Al-ghulu fi takfir »